nous des tôlières, on en a croisé. Mais la Josette, c'est un préféré. Un demi-siècle, elle fait mousser. Le demi le moins cher de tout le quartier. À la bonne heure, elle attendait le travailleur. Et tous les soirs, à la muse, elle fait tard. Et c'est toujours trop tard qu'on ressortait de ce bar. Ouais, toujours trop tard qu'on ressortait de ce bar. Car quand Josette, elle offrait la tournée, en son honneur, tous les verres se levaient. Du fond du bar à la porte des toilettes, on chantait en chœur, merci Josette. On chantait en chœur, merci Josette. Chez la Josette, autour d'une blonde, truands et marins, refaire le monde, la terre entière, curés ou putains, chanter, danser, jusqu'au petit matin, et à toute heure, dans cette humble demeure, il y avait de la guitare, c'était vraiment le panard, et c'est toujours trop tard qu'on sortait de ce bar, ouais, toujours trop tard qu'on sortait de ce bar. Car quand Josette, elle offrait la tournée, en son honneur, tous les verres se cognaient. De devant le comptoir jusqu'au jeu de fléchettes, on criait en cœur, santé Josette! On criait en cœur, santé Josette! Une mère, une sœur, avant tout une amie. Elle avait tout ça dans sa panoplie. Sa porte, son cœur était toujours ouvert. Et toujours le sourire accompagnait les verres. Et tous les dimanches, y'en avait des amis. On tuait des boutons, on était une famille. Mais c'est toujours trop tard qu'on ressortait de ce bar. Ouais, toujours trop tard qu'on ressortait de ce bar. Car quand Josette, elle offrait la tournée, en son honneur, tous les verres se vidaient. Les plus tocards et même les plus honnêtes hurlaient en cœur, vive la Josette! Hurlaient en cœur, vive la Josette! Sa dernière scène, on devint orphelin, on perdit notre haine. Aujourd'hui cet endroit est plein de néons bleus, blindé de videurs, on y croise même les bleus. Et tôt comme tard, il nous manque son bar. Et tôt comme tard, il nous manque son bar. Car quand Josette, elle offrait la tournée, en son honneur, tous les verres descendaient. On a le cafard, elle est moins belle la fête, plus que ton bar. Voilà, c'est bon.